pas me réveiller. Dernière fois, essaye. Non, je vais pas bégayer. Je compte sur personne s'il y a un problème. Y'a la famille, je suis pas en chien. Je suis à l'aise dans le Merco Benz. Tu connais, je fais pas l'ancien. Y'a que deux places dans le féfé. Et y'a plus de place dans mon cœur. Y'a que deux places dans le féfé. Et y'a plus de place dans mon cœur. On était petits, s'en est passé des choses. Je roule un petit avant de là. Je roule un petit, après je me sauve. Et là j'ai compris que j'étais chaud. Après plusieurs échoues. Tu vas prendre une baffe et tu vas attendre la deuxième joue. On m'a blessé, ça met du temps, mais là je le sens. Ça cicatrise, ma cité c'est la psychiatrie. Des idées claires, ça coûte un prix. Je te raconte ce que j'ai appris et je viens prendre ce que j'ai à prendre. Je suis obligé de faire un tri, si y'a Hedja, je viens pas à 30. Je m'endors calypse sous l'oreiller, j'ai peur de pas me réveiller. Non, je veux pas bégayer, avant de gagner faut essayer. Je m'endors calypse sous l'oreiller, j'ai peur de pas me réveiller. Non, je veux pas bégayer, avant de gagner faut essayer. J'm'endors sous l'oreiller. J'ai peur de pas me réveiller. Non, j'vais pas bégayer. J'finisse ma mission, après j'rentre à la maison. Dans cette vie faut être juste, faut pas perdre la raison. T'as vu qu'on est réel et tu le ressens dans les sons. J'peux pas supporter les traites, ils méritent la pendaison. Tu veux toucher mon cœur, fais un deck, tu vas brûler. Je fais du bien, t'as rien vu, j'arrête tout, ça m'a saoulé. Toujours bien entouré, tu veux me la mettre, j'suis pas teubé. J'ai du mal à freiner, mon auto j'l'ai cartonné. J'ai les valeurs de mon père, y'a rien à faire, tu peux qu'adhérer. Il me dit mon fils sois fort, les bons moments ça va pas durer. Ça tournait dans la zone, on avait faim, on cassait tout. Moi j'suis resté debout. Dès de très jeune, j'en ai fait le tour. J'm'endors calypse sous l'oreille. J'ai peur de pas me réveiller. Non, j'vais pas bégayer. Avant de gagner, faut essayer. J'm'endors calypse sous l'oreille. J'ai peur de pas me réveiller. Non, j'vais pas bégayer. Avant de gagner, faut essayer.